Chapitre 9. Chacun sait que les obstacles ne font que surexciter les amoureux. Or, Julien Gémozac était amoureux fou. Plus Camille Monistrol lui marquait de froideur, plus il l'adorait. Et il en était venu à l'adorer bêtement. Ce charmant garçon, qui avait eu de nombreux succès dans tous les mondes et qui aurait dû connaître les femmes, s'obstinait à persécuter de ses assiduités une jeune fille qui ne lui témoignait que de l'indifférence et qui avait fini par refuser nettement de l'admettre chez elle. Il savait qu'elle recevait un monsieur de Ménestreau et il n'avait pas l'énergie de lui demander l'adresse de ce monsieur, d'aller le trouver et de lui chercher querelle, lui qui avait déjà eu 3 duels et qui ne craignait personne au monde. Camille l'avait ensorcelé sans le vouloir, et justement parce qu'elle ne tenait pas du tout à le séduire. Et rien n'y faisait, ni les conseils de son ami Freinet, conseils assaisonnés de raillerie qui auraient dû le piquer au vif, ni les reproches de sa mère désolée de ne plus le voir qu'à de rares intervalles et très montée contre l'orpheline du boulevard Voltaire, ni les sages observations du père Gémozac, qui envisageait avec plus de sang-froid que sa femme cette situation nouvelle. Homme d'affaires avant tout, ce grand industriel se disait que l'héritière de son associé aurait certainement, et avant peu, une grosse fortune, car les produits de l'invention Monistrol ne pouvaient que s'accroître et donnaient déjà de superbes revenus. Et cette fortune, son fils unique en épousant Camille, l'aurait tout entière après lui, au lieu d'être obligé de la partager avec une étrangère. À d'autres points de vue, ce mariage ne lui déplaisait pas. Monsieur Gémozac avait commencé par être ouvrier, et il ne tenait pas à voir Julien entrer dans une famille aristocratique. Il ne comprenait que les alliances entre égaux. Mais ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était que Julien, exaspéré par les refus de Camille, ne se jetât à corps perdu dans des débordements de toute espèce. Il le soupçonnait même d'avoir déjà commencé, car le crédit qu'il lui avait ouvert était tellement dépassé que le caissier s'était cru obligé d'avertir son patron. La veille encore, Julien s'était fait remettre une somme de 10 000 francs et il devait l'avoir perdue au jeu, car, épris comme il l'était, il ne l'avait certainement pas dissipé avec des drôlesses. Il ne paraissait presque plus au déjeuner de midi, soit qu'il dormît après une nuit passée au baccarat, soit qu'il fût sorti de grand matin pour aller rôder autour de la maisonnette habitée par Mademoiselle Monistrol. Tant qu'à la fin, M. Gémozac jugea qu'il devait intervenir. Il lui répugnait de traiter Julien comme un enfant qu'on met au pain sec, c'est-à-dire de lui couper les vivres en lui fermant sa caisse. Il comprenait que des serments paternels ne toucheraient pas cet affolé. Mieux valait s'en prendre à la cause du mal et s'adresser à Mademoiselle Monistrol elle-même. Elle ne venait plus chez lui depuis qu'elle avait échangé des mots aigres avec sa femme. Il résolut d'aller chez elle et de la confesser à fond. Il ne voulait pas croire qu'elle se conduisît mal et il lui paraissait impossible qu'elle eût conçu de l'antipathie contre un garçon si bien partagé sous tous les rapports. Il ne voyait, dans la sauvagerie qu'elle affichait, qu'un caprice de jeune fille. Il avait déjà pu juger de son caractère de jeune fille. Il avait pu déjà juger son caractère original et indépendant. Peut-être aussi Madame Gémozac l'avait-elle blessée dans son amour-propre. Il se faisait fort de la ramener par la douceur et de lui faire entendre raison. Et d'ailleurs, pour d'autres motifs, il lui tardait d'avoir une explication avec elle. Camille n'était pas majeure, et il ne lui restait plus aucun parent. Il fallait donc de toute nécessité lui faire nommer un tuteur ou la faire émanciper. Et M. Gémozac pensait que l'émancipation était préférable. Mademoiselle Monistrol avait dès à présent d'importants intérêts à régler avec l'associé de son père, des actes à signer. Mieux valait la mettre en mesure d'administrer elle-même sa fortune. M. Gémozac voulait lui conseiller de prendre ce parti et lui offrir de se charger des démarches nécessaires. N'était-ce pas d'ailleurs la meilleure manière de lui montrer qu'il ne prétendait point peser sur ses résolutions futures, ni influer sur le choix qu'elle ferait d'un mari? Et comme le père Gémozac était avant tout un honnête homme, il tenait essentiellement à passer pour tel aux yeux de Mademoiselle Monistrol. Donc, un beau jour, sans consulter sa femme et sans rien dire à son fils, À l'heure où d'habitude il entrait dans son cabinet pour s'occuper de ses affaires, il prévint son principal employé qu'il allait sortir et fit dire d'atteler son coupé. Il n'avait jamais mis les pieds chez feu Monistrol. Les gros financiers ne se dérangent pas pour les gens qu'ils commanditent. Et c'était le pauvre diable d'inventeur qui se déplaçait pour conférer avec le maître de la grande usine du quai de Jemappes. Mais Gémozac connaissait, sans l'avoir vu, la maison où son associé était mort si tragiquement. Sa femme et son fils la lui avaient assez souvent décrite depuis la catastrophe, et il n'était pas fâché de la visiter, car il n'avait jamais pu s'expliquer comment le crime avait été commis. De plus, il doutait très fort que Mademoiselle Monistrol fût en sûreté dans cette baraque isolée, et il se proposait d'insister encore pour la décider à déménager le plus tôt possible. Il partit donc, et 10 minutes après, son cocher, qui avait déjà conduit Madame Gémozac au boulevard Voltaire, arrêta son cheval devant la clôture en planche qui protégeait très imparfaitement la cour. Il descendit de voiture, chercha inutilement une sonnette pour s'annoncer et finit par pousser la barrière à claire-voie qui tenait lieu de porte. Une fois dans la cour, il examina la maison et il fit la grimace en reconnaissant qu'elle était tout au plus bonne à loger un portier. Du reste, il ne paraissait pas qu'elle fût habitée, car à tous les étages, les volets étaient fermés. Il avança, pensant que le bruit de ses pas attirerait la servante, mais personne ne vint. « Ah, ça !» murmura-t-il. « C'est dans le château de la Belle au bois dormant. La petite peut être sortie. » Mais cette fameuse bonne qui la garde si bien à ce qu'elle dit, où diable est-elle? Sa jeune maîtresse l'a peut-être emmenée et elle a bien fait, car jolie comme elle est, cet enfant aurait grand tort de circuler dans Paris toute seule. Il avança encore, et ne sachant par où entrer dans cette maison close, il résolut d'en faire le tour pour trouver la porte. Instinctivement, il prit à droite et il la découvrit, mais il fut tout étonné de voir qu'elle n'était pas fermée. Diable! Murmura-t-il. Il faut que Mademoiselle Monistrol soit bien peu soigneuse. Laisser son logis à la discrétion du premier venu, après le malheur qui lui est arrivé, c'est vraiment trop fort. À ce moment, il lui sembla qu'on parlait au premier étage. Il prêta l'oreille et il finit par entendre distinctement 2 voix, dont une d'homme. Oh oh ! Se dit-il. Il paraît que je tombe mal. Le monsieur qui cause là-haut doit être le rival de Julien, le rival préféré, celui que ma femme a failli rencontrer le jour où elle s'est brouillée avec la petite et que mon fils n'a jamais pu apercevoir. Les choses sont plus avancées que je ne pensais, puisqu'elle le reçoit en tête-à-tête, et je commence à croire que ce pauvre Julien fera bien de se retirer. Mais je ne serais pas fâché de savoir comment est fait ce prétendant et d'où il sort. Et il s'engagea bravement dans l'escalier, en ayant soin de heurter les marches avec ses bottes et de tousser très fort. On l'entendit, car les causeurs se turent immédiatement, et un bruit de fauteuil roulé sur le parquet annonça qu'il se levait. Presque aussitôt, Mademoiselle Monistrol se montra, habillée comme une femme qui vient de rentrer et qui n'a pas pris le temps d'ôter son chapeau. « C'est moi, ma chère enfant !» cria le père Gémozac. « Vous n'attendiez pas ma visite, hein ?»« Non, monsieur, » répondit Camille, sans laisser percer aucun embarras. « Mais vous êtes et vous serez toujours le bienvenu ici. »« Alors, je ne vous dérange pas. Il me semble pourtant que vous n'êtes pas seule. »« C'est vrai, mais je serais très heureuse de vous présenter quelqu'un qui vient d'arriver. Entrez, monsieur, je vous prie. » Gémozac ne se fit pas répéter l'invitation. Il suivit Mademoiselle Monistrol dans le salon, et il se trouva face à face avec un monsieur qui se tenait debout, le chapeau à la main, et qui lui parut fort bien de sa personne. La maison n'était pas double, toutes les pièces avaient des fenêtres sur les 2 façades, et du côté opposé au boulevard Voltaire, les persiennes étaient ouvertes, de sorte qu'on y voyait très clair. « Monsieur Georges de Ménestreau, » dit Camille en désignant le visiteur arrivé avant Monsieur Gémozac. À ce nom, le père de Julien fit un haut-le-corps et se mit à regarder ce monsieur avec une attention presque impolie. Son fils lui avait bien dit que Mademoiselle Monistrol recevait un jeune homme, mais il ne lui avait pas dit comment ce jeune homme s'appelait, quoiqu'il le sût parfaitement, Camille ne le lui ayant pas caché. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il sans laisser à la jeune fille le temps de compléter la présentation. « N'êtes-vous pas de l'Aveyron ? Oui, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? Je suis Pierre Gémozac, et j'ai beaucoup connu votre père. Il était propriétaire de forges dans ce pays-là, et il me vendait du fer excellent. C'était un homme des plus honorables. Il est mort, m'a-t-on dit, il y a plusieurs années. J'avais su qu'il avait un fils, et je me suis toujours demandé pourquoi ce fils n'avait pas continué les affaires. La vocation me manquait complètement, tandis que j'avais un goût très vif pour les voyages. Ce goût, j'avais assez de fortune pour le satisfaire. Je suis parti pour l'Amérique où j'ai séjourné longtemps, puis j'ai été en Chine, au Japon, et je ne suis rentré en France tout récemment qu'après avoir fait le tour du monde. Vous ne m'aviez jamais dit que vous étiez allé si loin, murmura Camille. Et moi, j'étais bien mal renseigné, reprit Monsieur Gémozac. Je croyais, pardonnez-moi ma franchise, je croyais que ce brave ménestro s'était ruiné et que son fils avait disparu. Mon père a en effet subi des revers, mais j'ai hérité de ma mère, et voyager n'est pas disparaître, répliqua sèchement Georges. Je suis du reste, monsieur, très heureux de vous rencontrer. D'autant plus heureux que je me proposais d'aller très prochainement vous voir chez vous. Puis-je savoir pourquoi? Pour vous demander non pas de m'accorder la main de mademoiselle Monistrol, puisque vous n'êtes ni son parent ni son tuteur, mais d'approuver notre mariage. Je dois bien cet acte de déférence à l'homme généreux qui a commandité son père et qui est resté son ami, son protecteur. Gémozac interrogea des yeux Camille, qui lui dit aussitôt. C'est moi, monsieur, qui ai conseillé à monsieur de Ménestreau de faire auprès de vous une démarche respectueuse. Et puisque le hasard nous rassemble ici, permettez-moi d'aborder un sujet délicat. Monsieur, votre fils vous a parlé sans doute d'un projet qu'il avait formé et qui m'honore infiniment. Oui, parbleu, et je n'y ai pas fait la moindre objection. Sa mère s'en est un peu effarouchée, mais elle s'y serait ralliée, et je ne vous cacherai pas qu'en épousant monsieur de Ménestreau, vous mettrez mon fils au désespoir. Mais vous êtes libre, ma chère Camille, et je n'ai pas le droit de vous blâmer de suivre votre inclination. Je suis même venu aujourd'hui tout exprès pour vous offrir de vous faire émanciper, et je vais m'occuper de régler nos intérêts communs, de telle sorte que vous pourrez disposer de vos revenus comme vous l'entendrez. Votre compte dans ma maison sera arrêté tous les ans ou tous les 6 mois, comme vous voudrez. Et vous n'aurez avec moi et les miens que les relations qu'il vous plaira d'avoir. Les plus affectueuses, après comme avant, s'écria la jeune fille. Et puisque vous approuvez le choix que j'ai fait... Je n'ai pas à l'approuver. Monsieur de Ménestreau est le fils d'un brave homme, et je ne doute pas que son père lui ait transmis ses sentiments. Mais il ne trouvera pas mauvais, je l'espère, que je demande des renseignements sur lui dans le département où il a passé sa première jeunesse. À cette déclaration qui ressemblait un peu à une menace, Georges de Ménestreau pinça les lèvres, mais il répondit avec un calme parfait. « Vous ferez fort bien, monsieur, de vous renseigner. Je crois qu'on m'a un peu oublié dans mon pays, mais je me flatte de n'y avoir pas laissé de mauvais souvenirs. »« J'en suis persuadé, » dit monsieur Gémozac, qui pensait tout le contraire, et qui se promettait bien d'écrire le jour même à ses correspondants de l'Aveyron. Il se rappelait vaguement que Ménestreau le père avait été ruiné par son fils et que ce fils avait fort mal tourné. Mais il s'était écoulé des années depuis la déconfiture du maître de forge et M. Gémozac n'était pas sûr de la fidélité de sa mémoire. Il avait le temps de s'informer avant que Camille prît un engagement irrévocable. On ne se marie pas sans se faire afficher à la mairie. Les formalités prennent au minimum une 15aine de jours. Et il n'en faut pas plus de 4 pour recevoir une réponse de Rodez ou de Decazeville. « J'ai bien mal reconnu vos bontés, monsieur, » reprit Camille. « Mais, je vous le jure, je suis profondément touchée de ce que vous faites pour moi. Dites bien à monsieur votre fils que si mon cœur eût été libre... »« Malheureusement, il ne l'est pas, » interrompit le père Gémozac, d'un ton légèrement ironique. « Il faudra bien que Julien s'en console. Ce sera peut-être mieux ainsi. » Mais il me semblait que vous aviez juré de n'épouser que l'homme qui retrouverait l'assassin de votre père. Je sais bien que Julien n'a pas rempli les conditions du programme. Monsieur de Ménestreau a sans doute été plus heureux. L'assassin est arrêté ou va l'être. Hélas, non. Je crains même qu'il ne le soit jamais. Monsieur de Ménestreau a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a pas réussi. Mais il m'a sauvé la vie. En vérité? Oh, alors je comprends que vous teniez à le récompenser. Quoi ? Votre vie y a couru des dangers ? Est-ce que l'homme qui a tué votre père a essayé de vous tuer aussi ? Pas comme vous l'entendez. J'ai appris qu'il se cachait dans une maison en ruine, en pleine campagne, au-delà de la porte de Saint-Ouen. C'est sans doute monsieur de Ménestreau qui vous a fourni ce précieux renseignement. Non, c'est un pauvre saltimbanque, de la même troupe que Zigzag. L'histoire serait très longue à vous raconter en détail. Je suis partie la nuit avec ce saltimbanque et son fils. Ils ne sont pas revenus, eux. Quoi ? Zigzag les a exterminés ? Quel tueur d'hommes ! Je ne sais. Ils ont disparu. Ils sont tombés dans une trappe ouverte au milieu du corridor de cette maison. Et j'ai failli partager leur sort. J'ai pu l'éviter et m'enfuir. Mais au milieu de cette plaine déserte, j'ai été attaquée par deux de ces misérables qui rôdent près des barrières de Paris. Ils me tenaient, et Dieu sait ce qu'ils auraient fait de moi si monsieur de Ménestreau n'était pas venu à mon secours au péril de sa vie. Il m'a arrachée de leurs mains. C'est fort heureux, et le hasard qui a amené là tout à point monsieur de Ménestreau est véritablement providentiel. Quel roman on ferait avec votre aventure ? Elle n'est que trop réelle, murmura Camille. Je n'en doute pas, mais il y manque un dénouement. Vous n'êtes donc pas revenu en plein jour visiter ce repère de brigands, cette maison machinée comme un théâtre de féerie ? Je n'y ai pas manqué, monsieur. J'y ai conduit monsieur de Ménestreau. Il a bien voulu descendre dans la cave où sont tombés les malheureux qui m'avaient servi de guide. Leurs corps n'y étaient pas. Donc ils ne sont pas morts. À votre place, mademoiselle, j'aurais prié monsieur de Ménestreau de signaler au préfet de police la maison où il se passe de si étranges choses. Comment donc est-elle faite, cette tour de Nesle ? Elle est en briques rouges, et tous les gens de cette banlieue la connaissent. En briques rouges ? C'est singulier. Je ne lis pas souvent les faits divers, et cependant, ce matin, j'en ai remarqué un dans mon journal. Hier, dans la plaine Saint-Denis, tout près de la route de la révolte, une maison en ruine, qu'on appelle dans ces parages la Maison Rouge, s'est écroulée en partie à la suite d'une terrible explosion. Il paraît que les caves servaient d'entrepôt à des fraudeurs. Elles étaient pleines de barriques d'eau-de-vie qui ont pris feu on ne sait comment, et tout a sauté en l'air. Ah, mon Dieu, est-ce que... Il y a eu des victimes, affirme le journal. Un homme grillé dans la cave et un enfant qui en est sorti en très mauvais état. Et qu'est-il devenu ? Demanda vivement mademoiselle Monistrol. Le journal ne le dit pas. On l'aura sans doute porté à l'hôpital. Mais cette histoire n'a aucun rapport avec la vôtre, et je me demande pourquoi je vous la raconte. Si par hasard elle vous intéressait, il ne tient qu'à vous d'être plus complètement informé. Elle va faire le tour de la presse, et demain les détails abonderont. Mais il faut que je vous quitte. Les affaires me réclament. Je me suis échappé de mon cabinet pour causer avec vous de vos intérêts. Nous sommes maintenant d'accord sur tous les points. Je vais m'occuper de vous et j'espère vous revoir bientôt. En attendant, je vous laisse avec votre fiancé. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Georges de Ménestreau s'inclina froidement et le père Gémozac sortit sans serrer la main de Camille Monistrol, qui ne s'émut pas trop de ce changement de manière. « C'est la fin d'une situation fausse, » murmura-t-elle. « Je lui ai dit la vérité sur mes sentiments et je ne me repens pas de l'avoir dite. Mais vous, mon ami, que pensez-vous de l'étrange récit que nous venons d'entendre ?»« Je n'y crois pas, » répondit monsieur de Ménestreau. C'est une invention de journaliste aux abois, et alors même que le fond serait vrai. Le fait ne se rattache pas à votre expédition avec les amis de Zigzag. Ces gens-là ne s'amusent pas à faire de la contrebande, et ils sont en ce moment bien loin de la Maison Rouge. Mais j'ai une plus triste nouvelle à vous apprendre. Triste pour moi, je pars ce soir. Vous partez ? Oui, mademoiselle. Je suis appelée en Angleterre par un ami qui a besoin de moi pour terminer une affaire grave. Et c'est maintenant que vous m'annoncez ce départ précipité ? Hier encore, je ne le prévoyais pas. La lettre que j'ai reçue de Londres m'est arrivée ce matin seulement. Je n'ai pas osé me présenter chez vous avant l'heure où vous voulez bien me recevoir. Et j'allais vous apprendre ce fâcheux contretemps lorsque M. Gémozac est survenu. Je n'ai pas voulu vous en parler pendant qu'il était là. Il aurait cru que je tenais à quitter la France avant que ses correspondants l'eussent renseigné sur mon compte. Quelle idée ! Vous n'avez donc pas vu qu'il est sorti furieux ? S'il s'était contenté de montrer que je lui déplaisais, je n'y aurais pas pris garde. Mais il vous a marqué plus que de la froideur,